ce lundi à Assemblage requis. Comme à chaque début de semaine, on reçoit Maxime Muller-Amé qui nous parle de ses découvertes musicales de la semaine. Et on célèbre la semaine de la Saint-Patrick en versant un gros pichet de bière verte sur le torse nu de Mathieu Plante. Ouh, sexy! Assemblage requis, lundi, 15h!